pourquoi je suis si sage. Paragraphe 1 à 5. Le bonheur de mon existence, ce qui en fait peut-être le caractère unique, est conditionné par la fatalité qui lui est inhérente. Je suis, pour m'exprimer sous une forme énigmatique, déjà mort en tant que prolongement de mon père. Ce que je tiens de ma mère vit encore et vieillit. Cette double origine, tirée en quelque sorte de l'échelon supérieur et de l'échelon inférieur de la vie, procède à la fois du décadent et de quelque chose qui est à son commencement. Explique, mieux que n'importe quoi, cette neutralité, cette indépendance de tout parti pris par rapport au problème général de la vie, qui est un de nos signes distinctifs. J'ai pour les symptômes d'une évolution ascendante ou d'une évolution descendante un flair plus subtil que n'importe qui. Dans ce domaine, je suis par excellence un maître. Je les connais toutes deux. Je les incarne toutes deux. Mon père est mort à l'âge de 36 ans. Il était délicat, bienveillant et morbide, tel un être qui n'est prédestiné qu'à passer, évoquant plutôt l'image d'un souvenir de la vie que la vie elle-même. Sa vie déclina à la même époque que la mienne. À 36 ans, je parvins au point inférieur de ma vitalité. Je vivais encore, mais sans être capable de voir à trois pas devant moi. À ce moment, c'était en 1879, j'abandonnais mon professorat à Bâle, je vécus comme une ombre à Saint-Moritz, et l'hiver suivant, l'hiver le plus pauvre en soleil de ma vie tout entière, à Naumbourg. J'étais alors devenu véritablement une ombre. Ce fut là mon minimum. J'écrivis le voyageur et son ombre et, sans conteste, je m'entendais alors à parler d'ombre. L'hiver qui vint ensuite, mon premier hiver à Gênes, cette espèce d'adoucissement et de spiritualisation qui est presque la conséquence d'une extrême pauvreté de sang et de muscles, donna naissance à Aurore. La complète clarté, la disposition sereine, je dirais même, l'exubérance de l'esprit que reflète cet ouvrage, s'accorde chez moi non seulement avec un excès de souffrance. Au milieu des tortures provoquées par des maux de tête de 3 jours, accompagnés de vomissements laborieux, je possédais une lucidité de dialecticien par excellence et je réfléchissais très froidement à des choses qui, si ma santé eût été meilleure, m'auraient trouvé dépourvu de raffinement et de froideur, sans l'indispensable audace du grimpeur de rocher. Mes lecteurs savent peut-être jusqu'à quel point je considère la dialectique comme un symptôme de décadence, par exemple dans le cas le plus célèbre, le cas de Socrate. Tous les troubles morbides de l'intellect, même cette demi-léthargie accompagnée de fièvre, sont demeurés pour moi jusqu'à présent des choses parfaitement inconnues, sur la nature et la fréquence desquelles j'ai dû me renseigner dans des ouvrages savants. Mon sang coule lentement. Personne n'a jamais pu constater chez moi de la fièvre. Un médecin, qui me traita longtemps pour une maladie nerveuse, finit par dire « Non, ce ne sont pas vos nerfs qui sont malades, c'est seulement moi qui suis nerveux. » Il y a décidément chez moi, sans qu'elle puisse être démontrée, quelques dégénérescences locales. Je n'ai pas de maladie d'estomac qui affecte mon organisme, bien que je souffre, par suite d'épuisement général, d'une extrême faiblesse du système gastrique. Mes maux d'yeux, qui risquent parfois de me mener jusqu'à la cécité, ne sont qu'un effet et non point une cause, en sorte que chaque fois que ma force vitale a augmenté, mes facultés visuelles me sont revenues jusqu'à un certain point. Une trop longue série d'années équivaut chez moi à la guérison. Elle signifie malheureusement aussi le retour en arrière, la décomposition, la périodicité d'une sorte de décadence. Ai-je besoin de dire, après tout cela, que j'ai de l'expérience dans toutes les questions qui touchent la décadence? Je l'ai épelé dans tous les sens, en avant et en arrière. Cet art du filigrane lui-même, ce sens du toucher et de la compréhension, cet instinct des nuances, cette psychologie des détours et tout ce qui m'est encore particulier, a été appris alors et constitue le véritable présent que m'a fait cette époque où tout chez moi est devenu plus subtil. L'observation, aussi bien que tous les organes de l'observation. Observer des conceptions et des valeurs plus saines, en se plaçant à un point de vue de malade et inversement, conscient de la plénitude et du sentiment de soi que possède la vie plus abondante, abaisser son regard vers le laboratoire secret des instincts de décadence. Ce fut là la pratique à quoi je me suis le plus longuement exercé. C'est en cela que je possède une véritable expérience et, si en quelque chose j'ai atteint la maîtrise, c'est bien en cela. Aujourd'hui, je possède le tour de main. Je connais la manière de déplacer les perspectives. Première raison qui fait que pour moi seul, peut-être, une transmutation des valeurs a été possible. Sans compter que je suis un décadent, je suis aussi le contraire d'un décadent. J'en ai fait la preuve, entre autres, en choisissant toujours, instinctivement, le remède approprié au mauvais état de ma santé. Alors que le décadent a toujours recours au remède qui lui est funeste. Dans ma totalité, j'ai été bien portant. Dans le détail, en tant que cas spécial, j'ai été décadent. L'énergie que j'ai eue de me condamner à une solitude absolue, de me détacher de toutes les conditions habituelles de la vie, la contrainte que j'ai exercée sur moi-même en ne me laissant plus soigner, dorloter, médicamenter, tout cela démontre que je possédais une certitude instinctive et absolue de ce qui m'était alors nécessaire. Je me suis pris moi-même en traitement. Je me suis guéri moi-même. La condition pour réussir une telle cure, tout physiologiste en conviendra, c'est d'être bien portant. Un être d'un type nettement morbide ne peut pas guérir et encore moins se guérir lui-même. Pour l'être bien portant, la maladie peut au contraire faire office de stimulant énergique qui met en jeu et surexcite son instinct vital. C'est, en effet, sous cet aspect que m'apparaît maintenant cette longue période de maladie que j'ai traversée. J'ai en quelque sorte à nouveau découvert la vie, y compris moi-même. J'ai goûté de toutes les bonnes choses et même des petites, comme d'autres pourraient difficilement goûter, de telle sorte que de ma volonté d'être en bonne santé, de ma volonté de vivre, j'ai fait ma philosophie. Car qu'on y fasse bien attention, les années où ma vitalité descendit à son minimum ont été celles où je cessais d'être pessimiste. L'instinct de conservation m'a interdit de pratiquer une philosophie de la pauvreté et du découragement. Or, à quoi reconnaît-on en somme la bonne conformation? Un homme bien conformé est un objet qui plaît à nos sens. Il est fait d'un bois à la fois dur, tendre et parfumé. Il ne trouve que du goût qu'à ce qui lui fait du bien. Son plaisir, sa joie cesse dès lors qu'il dépasse la mesure de ce qui lui convient. Il devine les remèdes contre ce qui lui est préjudiciable. Il fait tourner à son avantage les mauvais hasards. Ce qui ne le fait pas périr le rend plus fort. De tout ce qu'il voit et entend, de tout ce qui lui arrive, il sait tirer une somme conforme à sa nature. Il est lui-même un principe de sélection. Il laisse passer bien des choses sans les retenir. Il se plaît toujours dans sa propre société, quoi qu'il puisse fréquenter des livres, des hommes ou des paysages. Il honore en choisissant, en acceptant, en faisant confiance. Il réagit lentement à toutes les excitations, avec cette lenteur qu'il tient par discipline d'une longue circonspection et d'une fierté voulue. Il examine la séduction qui s'approche. Il se garde bien d'aller à sa rencontre. Il ne croit ni à la mauvaise chance, ni à la faute. Il sait en finir avec lui-même, avec les autres. Il sait oublier. Il est assez fort pour que tout tourne, nécessairement, à son avantage. Eh bien, je suis le contraire d'un décadent, car c'est moi que je viens de décrire ainsi. Cette double série d'expériences, cet accès facile qui m'ouvre des mondes séparés en apparence, se répète dans ma nature à tous les points de vue. Je suis mon propre sosie. Je possède la seconde vue aussi bien que la première. Peut-être bien que je possède aussi la troisième. Mes origines déjà m'autorisent à jeter un regard au-delà de toutes les perspectives purement locales, purement nationales. Il ne m'en coûte point d'être un bon Européen. D'autre part, je suis peut-être plus allemand que ne peuvent l'être les Allemands d'aujourd'hui, les Allemands qui ne sont que des Allemands de l'Empire, moi qui suis le dernier Allemand anti-politique. Cependant, mes ancêtres étaient des gentilshommes polonais. Je tiens d'eux beaucoup d'instinct de race, qui sait. Peut-être même le liberum veto. Quand je songe combien de fois il m'est arrivé en voyage de me voir adresser la parole en polonais même par des Polonais, quand je songe combien rarement j'ai été pris pour un Allemand, il pourrait me sembler que je suis seulement moucheté de germanisme. Ma mère, cependant, Franziska Euler, a certainement quelque chose de très allemand, de même ma grand-mère du côté paternel, Erdmut Krause. Cette dernière vécut durant toute sa jeunesse au milieu de l'excellent Weimar d'autrefois, non sans être en relation avec le cercle de Goethe. Son frère, le professeur de théologie Krause, à Königsberg, a été appelé à Weimar comme surintendant général après la mort de Herder. Il ne serait pas impossible que sa mère, mon arrière-grand-mère, figurât sur le journal du jeune Goethe sous le nom de Mütgen. Elle épousa en seconde noces le surintendant Nitsch à Eilenburg. Le 10 octobre 1813, l'année de la Grande Guerre, le jour où Napoléon entra avec son état-major à Erienburg, elle accoucha d'un fils. Étant saxonne, elle eut toujours une grande admiration pour Napoléon. Il se pourrait bien que je la partage aujourd'hui encore. Mon père, né en 1813, est mort en 1849. Avant de prendre possession de sa cure dans la commune de Reuken, non loin de Lützen, il passa quelques années au château d'Altenburg, où il fut chargé de l'instruction des quatre princesses. Ses élèves étaient la reine de Hanovre, la grande duchesse Constantin, la grande duchesse d'Oldenbourg et la princesse Thérèse de Saxe-Altenbourg. Il était rempli d'une piété profonde à l'égard du roi de Prusse Frédéric Guillaume IV, lequel le nomma à sa paroisse. Les événements de 1848 l'attristèrent au-delà de toute mesure. Moi-même, né le jour anniversaire du dit roi, le 15 octobre, je reçus comme de juste les prénoms Frédéric Guillaume, usités dans la maison de Hohenzollern. Le choix de ce jour eut en tous les cas un avantage. Durant toute ma jeunesse, mon anniversaire coïncida avec un jour de fête. Je considère que ce fut pour moi un privilège considérable d'avoir eu un pareil père. Il me semble même que par là s'explique tout ce que je possède de privilège, abstraction faite de la vie, de la grande affirmation de la vie. Je lui dois avant tout de n'avoir pas besoin d'une intention spéciale, mais seulement d'une certaine attente, pour entrer volontairement dans un monde de choses supérieures et délicates. C'est là que je me sens chez moi. Ma passion la plus intime s'y sent libérée. Que j'ai payé ce privilège presque avec ma vie, ce n'est là certes pas un marché de dupes. Pour pouvoir comprendre quelque chose à mon Zarathoustra, il faut peut-être se trouver dans une condition analogue à la mienne, avec un pied au-delà de la vie. Je n'ai jamais été habile dans l'art de prévenir quelqu'un contre moi, ceci aussi je le dois à mon incomparable père, lors même que cela eût été de mon intérêt. Je n'ai même pas de prévention contre moi, bien que cela puisse paraître très peu chrétien. On peut retourner ma vie dans tous les sens comme on voudra. On n'y trouvera que rarement, et en somme seulement une fois, de la part d'autrui, des traces de mauvais vouloir à mon endroit. Bien plutôt, on y rencontrera des traces de trop bonne volonté. Les expériences que j'ai faites, même avec ceux qui déçoivent tout le monde, parlent plutôt en faveur de ceux-ci. J'apprivoise tous les ours. Je rends sage même les pantins. Durant les 7 années où j'ai enseigné le grec dans la classe supérieure du lycée de Bâle, je n'ai jamais eu l'occasion d'édicter une punition. Chez moi, les plus paresseux travaillaient. Je suis toujours à la hauteur du hasard. Il faut que je ne sois pas préparé pour être maître de moi. Quel que soit l'instrument, qu'il soit désaccordé autant que l'instrument homme peut l'être, à moins que je ne sois malade, je parviendrai toujours à en tirer quelque chose que l'on puisse écouter. Il m'est souvent arrivé d'entendre dire par les instruments eux-mêmes que jamais encore ils n'étaient parvenus à produire de pareils sons. Celui qui me l'a exprimé de la plus jolie façon était peut-être ce Henri de Stein, mort impardonnablement jeune. Henri de Stein qui arriva une fois pour 3 jours à Sils Maria, après avoir eu soin d'en demander la permission, déclarant à chacun qu'il ne venait nullement à cause de l'engadine. Cet homme excellent, qui, avec toute l'impétueuse naïveté d'un hobereau prussien, s'était aventuré dans le marécage wagnérien et aussi dans le marécage de During, fut, durant 3 jours, comme transformé par un ouragan de liberté, pareil à quelqu'un qui se sent élevé soudain à son altitude et à qui il pousse des ailes. Je ne cessais de lui répéter que c'était le bon air qui faisait cela, qu'il en était ainsi pour tout le monde et que l'on ne se trouvait pas en vain à 6000 pieds au-dessus de Bayreuth. Mais il ne voulait pas me croire. Si malgré cela, il s'est commis à mon endroit quelques grandes et petites infamies, il ne faut pas en chercher la cause dans la volonté et moins encore dans la mauvaise volonté. J'aurais plutôt lieu, je viens de l'indiquer, de me plaindre de la bonne volonté qui n'a pas exercé dans ma vie de petits ravages. Mon expérience m'autorise à me méfier, d'une façon générale, de tout ce que l'on appelle des instincts désintéressés, de cet amour du prochain toujours prêt à secourir et à donner des conseils. Cet amour m'apparaît comme une faiblesse, comme un cas particulier de l'incapacité de réagir contre des impulsions. La pitié n'est une vertu que chez les décadents. Je reproche aux miséricordieux de manquer facilement de pudeur, de respect, de délicatesse, de ne pas savoir garder les distances. La compassion prend en un clin d'œil l'odeur de la populace et ressemble à s'y méprendre aux mauvaises manières. Des mains apitoyées peuvent avoir une action destructive sur les grandes destinées. Elles s'attaquent à une solitude blessée, au privilège que donne une lourde faute. Surmonter la pitié, c'est pour moi une vertu noble. J'ai décrit, sous le titre de la Tentation de Zarathoustra, le cas où un grand cri de détresse vient aux oreilles de Zarathoustra, où la compassion l'assaille comme un dernier péché pour le rendre infidèle à lui-même. C'est là qu'il faut demeurer maître. C'est là qu'il faut conserver la hauteur de sa tâche, pure de l'approche de toutes les impulsions, beaucoup plus basses et à courte vue, qui agissent dans ce que l'on appelle les actions désintéressées. Ceci est la preuve, peut-être la dernière preuve. Que doit faire Zarathoustra? La véritable démonstration de sa force. Il y a encore un autre domaine où je ne suis que l'égal de mon père, en quelque sorte son prolongement après une mort prématurée. Comme tous ceux qui n'ont jamais vécu parmi leurs pareils, et chez qui l'idée de représailles est aussi inconnue que celle de droits égaux, je m'interdis dans les cas où l'on m'a causé un tort léger ou même un grand préjudice, toute mesure de sûreté ou de protection, et comme de juste aussi toute défense, toute justification. Ma réplique consiste à faire suivre aussi vite que possible la sottise par une malice. De la sorte, on parvient peut-être à se rattraper. Pour m'exprimer en images, je jette un pot de confiture pour me débarrasser de l'aigreur. Avec moi, il n'y a rien à arranger. Je prends ma revanche, on peut en être certain. Je trouve toujours, tôt ou tard, une occasion pour exprimer ma reconnaissance à un malfaiteur, au besoin pour son méfait, ou pour lui demander quelque chose, ce qui, dans certains cas, oblige plus que de donner. Il me paraît aussi que les paroles les plus impertinentes, la lettre la plus insolente, ont quelque chose de plus poli, de plus honnête que le silence. Ceux qui se taisent manquent presque toujours de subtilité et de politesse du cœur. Le silence est une objection. Avaler son dépit, c'est une preuve de mauvais caractère. Cela gâte l'estomac. Tous ceux qui se taisent sont des dyspepsiques. On le voit, je ne voudrais pas que l'on estime trop bas l'impertinence. Elle est de beaucoup la forme la plus humaine de la contradiction et, au milieu de l'excès de faiblesse moderne, une de nos premières vertus. Elle peut même être un véritable bonheur quand on est assez riche pour cela. Un dieu qui viendrait sur la terre ne devrait pas faire autre chose que des injustices. Prendre sur soi non pas la punition, mais la faute, c'est cela qui serait véritablement divin.